Bouygues Télécom. Thibaut et Tiffaine, de Tours, parents d'ados ultra connectés, ont une connexion très lente qui n'arrête pas de planter. C'est pourquoi à la rentrée, ils souhaiteraient se doter de la fibre, mais pas à n'importe quel prix. Eh bien, Thibaut et Tiffaine, écoutez plutôt. En ce moment, chez Bouygues Télécom, rentrez sans compter avec notre série spéciale fibre, internet, téléphone et télévision pour seulement 14,99€ par mois pendant un an, puis 36,99€ par mois. Oui, la fibre à 14,99€. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement, engagement 12 mois. C'est en quelque sorte l'Arlésienne de l'exploration spatiale, un projet qui a débuté il y a 30 ans, qui n'a eu de cesse d'être reporté, dont l'enveloppe de financement a été multipliée par 10. Le James Webb Space Telescope devrait, selon les dernières annonces de cet été, être finalement lancé le 31 octobre 2021 par une fusée Ariane 5. Présenté à tort comme le successeur de Hubble, le James Webb Space Telescope a pour ambition d'imager les toutes premières galaxies formées il y a 13 milliards d'années grâce à ses détecteurs infrarouges qui verront là où Hubble ne peut pas voir, mais il devrait également permettre de détecter très finement les propriétés physiques et chimiques d'exoplanètes et peut-être, qui sait, identifier des biosignatures. James Webb Space Telescope, le nouvel observateur, c'est le programme retardataire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre comment, grâce à ce nouveau télescope tant attendu, il va être possible d'aller voir ce qu'il y a, vous savez, tout là-bas, tout au fond, et très loin bien sûr, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Guillard, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes enseignant-chercheur à Sorbonne Université et à l'Institut d'Astrophysique de Paris, coordinateur de la conception de l'un des quatre instruments embarqués sur le JWST, on en parlera évidemment tout à l'heure, et Franck Salsis, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Mais pour commencer, votre dose quotidienne d'actualité scientifique certifiée super fraîche, c'est avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et selon une étude parue dans la revue Trends in Ecology and Evolution, pour ne pas tomber malade, les animaux eux aussi s'adaptent au virus, Natacha. En temps de pandémie, les humains ne sont pas les seuls à pratiquer la distanciation sociale. On le voit aujourd'hui, embrassades interdites, port du masque généralisé, gestes barrières, les maladies façonnent notre sociabilité. C'est aussi le cas chez de nombreuses espèces animales. Singes, poissons d'eau douce, homards ou souris, lorsque l'un des congénères tombe malade, le comportement des groupes évolue. Chez les mandrills, par exemple, on voit chez ces primates des stratégies sociales antiparasitaires avec des taux de toilettage qui évoluent selon les infections. Depuis des millénaires, les animaux aussi font face à des crises sanitaires, mais les mécanismes de l'évolution de la socialité sont très peu étudiés. C'est ce que souligne cette étude. Cédric Sueur est enseignant-chercheur à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien du CNRS et de l'Université de Strasbourg. Il est le co-signataire de ce papier. Les animaux vont pratiquer la distanciation sociale comme les humains pendant le Covid, mais vont aussi faire en sorte de continuer à vivre en société et de communiquer ensemble. Parce que justement, le plus important qu'il y a dans notre système social et les réseaux sociaux qu'on va former, c'est qu'on va avoir d'un côté les maladies qui vont nous empêcher d'être ensemble, de se contacter, si vous voulez, dans le sens vraiment un contact physique. Mais de l'autre côté, on a aussi besoin d'être à proximité pour échanger des informations. Et c'est ça qui est assez intéressant, justement, c'est que chez les humains, à partir du moment où on a dit qu'il y avait cette distanciation physique, eh bien, on a changé, on a switché, et on est allé, par exemple, à l'université vers des échanges qui sont beaucoup plus virtuels en utilisant différentes plateformes. Et ça, c'est aussi intéressant dans le sens où, par exemple, chez les fourmis, on va avoir des maladies qui vont être présentes. Quand il y a des maladies, on va faire une certaine distanciation sociale entre les fourmis, elles vont éviter de se contacter, mais elles peuvent switcher du système qui va être d'échange d'antenne à antenne pour transmettre des informations à des systèmes de phéromones, par exemple, qui vont être beaucoup plus globales. Donc on voit qu'il y a des rapprochements qui peuvent être faits, qu'il serait intéressant d'aller étudier ces différents systèmes sociaux, animaux, pour s'informer, nous, sur les méthodes qu'on pourrait utiliser dans ces cas de pandémie. Il n'y a pas 36 études qui montrent ça, justement. On a juste quelques études qui le montrent, et je pense que c'est un champ de possibilités qu'il y a devant nous, parce que c'est quand même une pression qui est assez forte. Voilà, il y a des groupes entiers qui peuvent mourir s'il y a une certaine maladie qui arrive. On a vu ça chez des gorilles, on a vu ça chez des chimpanzés, on peut voir ça aussi chez des abeilles, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il y a une pression qui est assez forte derrière et qu'il doit y avoir des mécanismes de sélection pour éviter qu'il y ait ces écroulements de population. Donc, c'est vraiment un champ de domaine qu'on peut étudier et essayer de voir comment ça se rapproche de nous. Voilà, si les animaux peuvent le faire, vous aussi, hein, distanciation sociale, porte du masque, alors pas le masque pour les animaux. Bref, vous m'aurez compris, vous pouvez retrouver l'étude ainsi que toutes les autres études et plein d'autres liens qui vont compléter votre écoute tout au long de cette heure. C'est comme tous les jours sur notre fil Twitter, @laméthodefc, sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue hier dans Nature Climate Change, la fonte de la calotte glaciaire correspond parfaitement à nos pires projections climatiques. Nous en parlions déjà sur ce plateau la semaine dernière. Voici une autre étude qui confirme que les scénarios des climatologues se révèlent justes. Depuis la surveillance satellitaire des années 90, les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, qui fondent de plus en plus vite, ont élevé le niveau mondial de la mer de 1,8 cm. Cela correspond au scénario le plus pessimiste du 5e rapport d'évaluation du GIEC, celui de 2014. À ce rythme-là, la fonte des calottes glaciaires devrait augmenter le niveau de la mer de 17 cm supplémentaires d'ici la fin du siècle. Alors que les enchères pour les fréquences 5G vont être lancées en France ce mois-ci, la Chine rencontre de son côté des complications avec son propre réseau. Et la Chine compte déjà 100 millions d'abonnés à la 5G et 250 000 pylônes 5G sont installés sur le territoire, sur les 600 000 attendus. Mais ces infrastructures se montrent extrêmement énergivores. Elles consomment 3,5 fois plus d'énergie que les structures équivalentes pour la 4G. Pour remédier à ce problème, la 5G est coupée la nuit. Pour réduire les coûts, l'opérateur China Unicom met en pause certaines de ses stations le soir. Le coût énergétique de la 5G n'est pas une surprise. De nombreux rapports ont déjà souligné ce risque. Et enfin, dans la revue PLOS Genetics, des chercheurs américains viennent de découvrir de nouvelles cellules gustatives. C'était un dogme. Il existe 5 saveurs. Le sucré, le salé, l'amer, l'acide et l'umami. 5 saveurs pour 3 types de cellules gustatives qui sont chacune sensibles à certains goûts. Après des manipulations génétiques sur des souris qui ont un système gustatif proche du nôtre, ces chercheurs viennent de faire tomber ce dogme. Ils ont fait la découverte des BR, des cellules gustatives largement réactives, un sous-ensemble de cellules de type 3 qui peuvent reconnaître toutes les saveurs à la fois. Le fonctionnement du système du goût est donc plus complexe qu'on ne le pensait. Il faut dire que notre survie dépend de notre capacité à détecter les saveurs toxiques à ne pas ingérer. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain journal des sciences. Le James Webb Space Telescope connaîtra-t-il le même destin incroyable que Hubble qui fête cette année ses 30 ans et dont les images ont marqué l'histoire de l'astrophysique contemporaine comme nous vous le racontions dans une émission récente dont nous allons bien sûr vous mettre le lien sur notre fil Twitter. Si on s'en réfère en tout cas aux innombrables délais qui émaillent le début de l'histoire de Hubble depuis le lancement du projet de le début de l'histoire du James Webb Space Telescope, depuis le lancement du projet en 1989 jusqu'à aujourd'hui, il suit un peu le chemin de Hubble, tant on oublie que lui aussi a connu de très nombreux retards. Si l'on compare aujourd'hui les deux télescopes spatiaux, c'est en partie à tort, comme nous allons vous l'expliquer dans quelques instants, mais c'est surtout parce que ce sont deux projets titanesques, ambitieux, qui marquent l'histoire de notre compréhension et de notre vision, bien sûr, de l'espace. Retour en arrière, le 24 avril 1990, jour du lancement de Hubble, un lancement, comme vous allez l'entendre, qui a donné des sueurs froides jusque dans les dernières minutes. Dans l'espace, les astronautes et les astronomes font bon ménage. 6 passagers à bord de la navette américaine Discovery, 5 membres d'équipage en chair et en os, plus le fameux télescope Hubble, un engin de 12 milliards de francs, l'instrument scientifique le plus coûteux et le plus sophistiqué jamais envoyé en l'air. Cette fois-ci, pas de pépins dans le compte à rebours. Lancement presque parfait cet après-midi à Cap Canaveral en Floride. Jack Tissiou. Hubble est enfin parti pour l'espace, mais pas sans nous donner une dernière émotion lorsque le compte à rebours a été interrompu à T-31 secondes. Les ordinateurs du centre de lancement avaient détecté qu'une valve était en mauvaise position, mais l'envol n'a été retardé que de 3 minutes. Le télescope Hubble ne sera sorti de la soute que demain, mais au moins, a dit l'administrateur de la NASA, il est déjà dans son élément. L'aventure commence, a déclaré l'astronome Edward Wyler. Une fois le capuchon de l'objectif retiré, si l'on peut parler de capuchon d'objectif pour un télescope de 2,40 m de diamètre, aussi long qu'un autobus, c'est une fenêtre avec vue imprenable sur l'univers qui s'ouvrira dans le mur de l'atmosphère terrestre. Une fenêtre d'où l'on verra avec une acuité un demi-milliard de fois meilleure que celle de nos yeux. Une fenêtre qui vous permettrait de voir une luciole à 16 000 km. L'un des quatre principaux télescopes, le FOC, réalisé par Matra pour l'Agence spatiale européenne, explorera lui tout seul un volume d'univers 350 fois plus grand que celui que nous connaissons. Il intensifiera par un facteur 100 000 la lumière de corps céleste 20 000 fois plus lointain que ce visible à l'œil nu depuis notre petite planète. C'est un télescope dont les capacités d'imagerie et la qualité des images qu'il va fournir est unique. Et donc, on a avantage à tirer tout le parti possible de ses qualités. Et c'est ce que va faire l'instrument développé par les Européens, qui est une espèce de zoom, si vous voulez, sur l'univers que on va obtenir avec la caméra pour objets faibles. Les objets faibles sont les objets très peu lumineux. Alors, ça peut être des objets qui sont très proches de nous et qui n'émettent que peu de lumière. Ça peut être aussi les objets les plus lointains de l'univers, qui sont à la limite de l'univers, les quasars, les galaxies, et peut-être des objets qu'on ne connaît pas encore, qui sont vraiment les limites et les confins de l'univers. Regarder ces objets, c'est un peu regarder son passé. En fait, avec le télescope, on va faire de l'astronomie du passé. Voilà, c'était un extrait du journal de France Inter ce 24 avril 1990. Une réaction peut-être l'un et l'autre, Pierre Guillard pour commencer. Oui, alors tout à fait, le télescope Hubble, en fait, le lancement d'Hubble, c'est ce qui marque le début de l'histoire du James Webb. Et en fait, ça fait à peu près 30 ans donc que le projet James Webb est né avec le lancement du télescope spatial Hubble. Et donc c'est à peu près l'ordre de grandeur hein, du temps qu'il faut pour développer une grosse mission spatiale comme Hubble ou James Webb. Mmh. Donc c'est un instrument, Hubble c'était un instrument gigantesque déjà à l'époque, extrêmement lourd, hein, je crois que le télescope faisait 11 tonnes, James Webb c'est 6 tonnes, et on verra pourquoi James Webb est en fait beaucoup plus grand mais un petit peu plus léger qu'Hubble. C'était absolument pharaonique hein, à l'époque, dans les années 90. Franck Celsis, vous avez republié ce petit tableau qui rappelle que Hubble, comme James Webb, parce que c'est vrai que dans la communauté astrophysique, on se moque beaucoup de ces retards accumulés par le James Webb, mais bon, Hubble avait connu les mêmes mésaventures. Oui, Hubble avait connu de nombreux retards. Après, ces retards coûtaient certainement moins cher à l'époque que les retards que subit le James Webb. Concernant l'histoire de Hubble, c'est vrai qu'il y a eu une première période d'émerveillement de tout ce que pouvait offrir Hubble, qui en plus a été perfectionné au cours du temps, avec des instruments qui ont pu être emmenés sur le télescope par des missions de la navette spatiale. Et puis, petit à petit, on s'est aussi rendu compte des limitations qu'offrait un tel instrument, et on s'est mis petit à petit à rêver de l'arrivée prochaine de James Webb, de plus être contraint, par exemple, par les orbites de Hubble, qui est juste au-dessus de nos têtes, hein, à 600 km, et qui fait un tour de Terre toutes les heures et demie, ce qui donne des contraintes observationnelles absolument terribles, qu'on n'aura plus, par exemple, avec le James Webb. Comment est-ce qu'on explique, Pierre Guillard, que ces instruments accumulent autant de retard et que les enveloppes budgétaires soient systématiquement démultipliées ? Alors en fait, pour James Webb, mais pas seulement pour James Webb, il y a plusieurs facteurs à ces retards. Pour parler de James Webb, en fait, le premier retard, ça a été le problème d'Hubble, qui après son lancement, on s'est rendu compte que le miroir avait un défaut optique. Et donc en fait, quand on a commencé à réfléchir au James Webb en 1990, à l'époque, le projet James Webb s'appelait pas James Webb, hein, il s'appelait le Next Generation Space Telescope, le NGST. Et en fait, déjà, ce projet a pris du retard parce que Hubble avait des problèmes. Donc c'est en fait une cascade qui peut entraîner des retards sur d'autres instruments, une cascade de problèmes. Et puis il y a aussi des défis technologiques. On en reparlera peut-être, mais pour James Webb, il y a eu beaucoup de défis technologiques qui ont entraîné des retards, comme par exemple le bouclier solaire de James Webb qui est est quelque chose de très particulier et qui a entraîné de nombreux retards. Et dont on va évidemment parler dans le détail. Peut-être un dernier mot d'introduction. La NASA a donc communiqué une nouvelle date de lancement cet été. On parle désormais du 31 octobre 2021. Est-ce que cette date, elle vous semble fixe? Est-ce que c'est une date en laquelle on peut croire, Frank Celsis, ou est-ce que c'est encore une date provisoire et que le lancement du James Webb risque d'être une nouvelle fois reporté, selon vous? Alors nous, on est un petit peu obligé d'y croire, et surtout on a des dates limites. Donc là, pour soumettre les projets d'observation, la date limite, c'est en novembre là de cette année. Donc nous, on est bien obligé de travailler pour pouvoir donner en novembre de cette année des propositions d'observation, en espérant qu'elles soient sélectionnées. Donc pour le premier cycle d'observation du James Webb. Donc nous, on travaille déjà très en amont pour proposer des observations. Donc après, c'est déjà arrivé, on avait déjà eu une date limite qui a ensuite été reportée, donc ça peut encore glisser. On espère que non, parce qu'effectivement, ça complique notre travail aussi pour soumettre des projets. Pierre Guillard, vous êtes raisonnablement confiant, comme on dit, dans cette date du 31 octobre 2021 ? Alors en fait, je serai confiant dans quelques semaines, puisqu'en fait en ce moment, l'ensemble du télescope est en test de vibration. En fait, on fait vibrer la totalité du télescope qui est maintenant complètement construit aux fréquences de vibration proches de la fréquence que génère le lancement de la fusée Ariane. Donc ça doit être fait, ça doit commencer cette semaine en fait à Los Angeles. Et donc, en fait, à la suite de ce test, on aura une date pour le bateau qui doit amener le télescope à Kourou. Normalement, on a une date d'avril 2021 pour ce trajet en bateau. Et donc, une fois qu'on aura cette date, on pourra être confiant pour un lancement en octobre. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h15, vous écoutez donc la méthode scientifique consacrée au James Webb Space Telescope, tout au long de cette heure en compagnie de Frank Celsis et de Pierre Guillard. Vous l'avez évoqué, Pierre, l'origine du projet, en fait, c'est 1989. Hubble n'est même pas encore lancé, pas encore en orbite, qu'on pense déjà bien la suite. Oui, tout à fait. En fait, dès 1989, je crois que c'est le directeur du centre qui allait opérer en fait Hubble dans l'espace, le directeur commence à penser à l'après Hubble et en fait pousse les astronomes à designer un télescope de 8 mètres qui observe dans l'infrarouge. En fait, à cette époque-là, dans notre vision de l'univers, on savait que les premières galaxies, d'après les simulations numériques, d'après les modèles cosmologiques, on savait que Hubble serait limité pour observer les premières galaxies. Et donc, le directeur du STSCI, le Space Telescope Science Institute, lance un projet, le NGST, pour aller au-delà de ce que peut faire Hubble. Et puis, comme je le disais, en 1993, en fait, il y a tous ces problèmes avec Hubble, ces retards qui cascadent. Et en fait, le projet NGST est repoussé parce que le directeur, en fait, demande le prolongement de la vie de Hubble jusqu'en 2010, alors qu'il était prévu que jusqu'en 2005 à l'époque. NGST pour Next Generation Space Telescope, qui sera le nom pendant assez longtemps donc de ce James Webb Space Telescope. Frank Celsis, dès le début, dès l'origine du projet, il est question d'aller regarder dans l'infrarouge, c'est-à-dire d'aller voir en fait là où Hubble ne peut pas voir. Oui, c'est une des idées. L'infrarouge, c'est quelque chose qui est très difficilement accessible, voire complètement inaccessible depuis le sol, puisque notre atmosphère qui est transparente au rayonnement visible, elle est globalement opaque, au rayonnement infrarouge, c'est d'ailleurs ce qui cause l'effet de serre sur Terre. Donc, idéalement, on voudrait observer dans l'espace, et l'infrarouge, c'est un domaine dont on est privé au sol. Donc c'était ça l'idée, et avoir un télescope plus grand, et aussi, on va y revenir, d'avoir un télescope loin des sources lumineuses qui vont le parasiter, qui sont bien sûr le Soleil, la Terre et la Lune, donc de se cacher de cette lumière-là, et pour pouvoir observer des sources très faibles, et pour pouvoir refroidir le télescope suffisamment pour observer l'infrarouge. Oui, parce qu'on va le voir, hein, effectivement, on parle souvent de James Webb, je le disais, comme du successeur de Hubble, mais en fait ce sont des missions différentes, ce sont des missions avec des ambitions différentes et avec beaucoup de choix technologiques très différents, notamment celui de l'orbite. Peut-être qu'on peut en dire un mot d'ailleurs maintenant, Pierre Guillard. Contrairement à Hubble, le James Webb ne sera pas en orbite géostationnaire. Oui, comme le disait Franck, hein, Hubble est à 600 km au-dessus de nos têtes, alors que James Webb sera à 1,5 million de kilomètres de la Terre. En fait, le télescope sera placé à un point particulier du système solaire, qui s'appelle le point de Lagrange numéro 2. C'est un point d'équilibre en fait des forces gravitationnelles du Soleil et de la Terre, qui fait que le télescope gravitera autour de ce point. Il ne reste pas à ce point particulier, et ce point est en fait au-delà de la Lune, de l'autre côté en fait de la Terre et du Soleil, pour que le télescope reste dans l'ombre de la Terre. En fait, la Terre, c'est ce qui sert un petit peu de bouclier thermique au télescope, puisque ce télescope restera dans l'ombre, et le télescope orbite autour du point de Lagrange avec une très grande orbite. En fait, le diamètre de l'orbite fait à peu près 300 000 km, c'est à peu près la distance Terre-Lune, donc c'est une orbite énorme. Oui, on en avait parlé d'ailleurs rapidement de ce point de Lagrange L2 dans l'émission qu'on avait consacrée au problème à trois corps. Peut-être un mot également, Franck Salsis, sur ce choix. Qu'est-ce que ça permet d'observer que ne permet pas l'orbite géostationnaire précisément, ce point de Lagrange L2? Alors, juste deux choses. Hubble n'est pas du tout en orbite géostationnaire. Il faudrait pour cela qu'il soit à 36 000 km de la Terre. Il est juste à 600 km, donc il est sur une orbite très basse. Et il ne fait pas le tour de la Terre en 24 heures, mais en 1h30. Donc, il n'est pas du tout géostationnaire. Et alors le James Webb sera pas dans l'ombre de la Terre. En fait, il va faire une orbite. S'il était dans l'ombre de la Terre éclipserait le Soleil vu depuis le James Webb. En fait, il va être assez loin. Il fait une orbite assez ample, hein, qui fait l'équivalent de plusieurs fois le diamètre de l'orbite lunaire. Mais par contre, il va rester tout le temps. Il va être à l'ombre, mais grâce à des grands panneaux qui le protègent du Soleil. Donc il sera toujours, si vous voulez, il est dans un point qui est aligné avec le Soleil et la Terre, donc un petit peu plus loin que la Terre. S'il n'y avait pas de Terre, il aurait une orbite autour du Soleil un petit peu plus longue que 365 jours, mais grâce à l'effet gravitationnel de la Terre, il a une orbite autour du Soleil de 365 jours, et donc il reste à peu près dans cet alignement. On appelle ça une orbite de halo, parce qu'il orbite autour d'un point qui n'est pas un point solide. C'est un point qui est instable, et ça c'est un gros avantage, c'est qu'il n'y a pas d'accumulation de poussière, de petits corps, de micrométéorites, alors qu'à certains autres points de Lagrange qui sont stables, on voudrait y mettre des instruments, mais on ne peut pas parce que c'est trop problématique. Et surtout, voilà, on peut rester dans l'ombre de ces panneaux en observant toujours à l'opposé du Soleil. Alors par contre, ça limite aussi les possibilités d'observation. On observera très bien à ce qu'on appelle les pôles de l'écliptique, c'est-à-dire dans les directions qui sont perpendiculaire à l'orbite de la Terre, et pour les directions qui sont plus dans le plan orbital de la Terre, on pourra observer à l'opposé du Soleil. Pour observer de l'autre côté, il faudra attendre 6 mois plus tard. Donc il va y avoir un planning des observations qui sera très très différent de celui de Hubble, où là on était rythmé par des orbites autour de la Terre, ce qui était aussi extrêmement contraignant. Mais à maxima culpa, Hubble est en orbite basse, c'est pas du tout géostationnaire. Je me suis emmêlé les pinceaux. Peut-être un mot encore sur le début de ce projet, sur son histoire initiale. Vous l'aviez dit tout à l'heure, Pierre Guillard, au début il est question d'un miroir de 8 mètres, mais avec des contraintes budgétaires très fortes, puisque à cette époque, début des années 90, la NASA est dans cette politique qui s'appelle le faster, better, cheaper, c'est-à-dire des projets plus rapides, plus efficaces et surtout beaucoup moins chers. Il y a une vraie contrainte budgétaire qui s'exerce, alors que l'ambition de mettre en orbite un miroir de 8 mètres est une ambition techniquement très complexe. Oui, je crois qu'à l'époque, j'ai pas les chiffres exacts en tête, hein, mais je crois que à l'époque le budget prévu était d'un demi-milliard, et le directeur de la NASA avait en fait imposé, pour ce budget qui était extrêmement contraint, que tous les instruments étaient fabriqués au même endroit. Et en fait, on s'est vite aperçu que que c'était pas faisable techniquement, et qu'il fallait partager le travail et il fallait partager les expertises. Et en fait, je crois que dans les années 2000, quand le projet se précise un peu, au début des années 2000, un partenariat est signé entre la NASA et l'Agence spatiale européenne, pour que l'Agence spatiale européenne prenne en charge un certain nombre des instruments de James Webb, comme le spectrographe proche infrarouge, un IRSPEC, et l'instrument MIRI, la caméra MIRI, on en reparlera. Bien sûr, sur lequel vous avez travaillé. Alors je crois, selon mes notes, que ce partenariat avec l'ESA et l'Agence spatiale canadienne date de 1996. À quel moment, peut-être, Franck Celsis, pouvez-vous nous expliquer ça? À quel moment on se rend compte que 8 mètres, c'est irréaliste dans ces conditions budgétaires-là et qu'il va falloir revoir un peu justement le diamètre de ce miroir à la baisse? Alors, si mes souvenirs sont bons, c'est au début des années 2000. Donc, il y avait ce plan, voilà, d'avoir 8 mètres avec un lancement en 2005. Puis, je crois qu'après, tout a été revu. On avait sous-estimé les coûts. On est parti sur d'autres technologies et le concept a complètement changé, je pense, au début des années 2000. C'est ça, aux alentours normalement de 2002. C'est le moment d'ailleurs où ce Next Generation Space Telescope change de nom. Pourquoi James Webb, en deux mots, Pierre Guillard? Alors, en fait, il a été rebaptisé en l'honneur de James Webb, qui était l'administrateur de la NASA, qui est décédé, je crois, en 96, il me semble. Donc voilà, il a été rebaptisé en son honneur. Cet administrateur, en fait, a joué un rôle fondamental pendant le programme Apollo. Et donc le télescope a été rebaptisé en son honneur. Alors on va parler justement de ce télescope un petit peu. Quelles sont les caractéristiques, Pierre Guillard, de ce James Webb Space Telescope? On peut évidemment le comparer à Hubble, mais pas uniquement, ou à d'autres télescopes spatiaux. Pourquoi est-ce que on y met autant d'envie ou d'expectative? Alors la première chose, c'est l'aspect gigantesque de ce télescope, hein, qui est grand à peu près comme un terrain de tennis. On le compare souvent à ça parce que ça donne une idée. Il fait à peu près un peu plus de 20 mètres sur 10 mètres. Donc c'est absolument gigantesque. La deuxième, c'est la taille du miroir, hein, c'est 25 mètres carrés de surface collectrice, donc un peu plus de 6 mètres de diamètre contre 2 mètres pour Hubble. Et une de ses caractéristiques, une de ses particularités, c'est qu'on l'a dit, il va observer dans l'infrarouge. La première chose qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle le pouvoir de résolution, la quantité de détails que l'on peut voir sur une image, si on peut dire ça simplement, dépend de la longueur d'onde et du diamètre. Plus le diamètre du télescope est gros, plus on voit de détails. Mais plus la longueur d'onde est grande, moins on en voit. Et quand on va dans l'infrarouge, on va vers les grandes longueurs d'onde. Et donc, il faut pour avoir la même résolution que Hubble, qui observe dans le domaine optique, hein, le domaine sensible à nos yeux, et bien pour observer dans l'infrarouge avec la même quantité de détails, il faut un miroir beaucoup plus gros. Et une des caractéristiques de James Webb, hein, c'est une résolution de 0,1 seconde d'arc, hein, pour parler un peu techniquement, à 5 microns à peu près. Et ça veut dire être capable de séparer deux ballons de foot vus depuis Paris si les ballons étaient à Marseille. Donc c'est une résolution absolument gigantesque. On va voir la même quantité de détails que voyait Hubble, mais dans l'infrarouge, donc dans un domaine invisible à nos yeux, où on va voir des choses complètement différentes. On y reviendra. On reviendra évidemment, hein, sur les enjeux scientifiques de ce nouveau télescope spatial. Un mot à propos de ce miroir et de ses caractéristiques ou de ses différences par rapport à celui de Hubble. Une chose, alors ça peut paraître comme ça être une prouesse technique, laisse vraiment Franck Celsis, ce miroir, il va falloir l'assembler dans l'espace. On peut pas l'assembler simplement parce que la capacité d'emport d'Ariane n'est pas suffisante en termes d'espace. Oui, enfin il va falloir le déployer. Oui. Il va falloir le déployer. Il est replié pour rentrer dans le chapeau d'une Ariane 5. Donc il est fait de segments, ce qui complique aussi la machine. Hein. On préfère en astronomie avoir des miroirs monolithiques. Alors effectivement, en allant vers l'infrarouge, on perd un peu en résolution spatiale, mais par contre, on relaxe un peu les contraintes qu'on a sur la qualité des miroirs. Les prouesses qui ont été faites, effectivement, c'est surtout de la légèreté, hein, puisque on est dans quelque chose qui est beaucoup plus gros que Hubble, mais qui est plus léger, et pas qu'un peu. C'est du beryllium, oui, recouvert d'or pour le rendre très réfléchissant dans l'infrarouge. Et oui, c'est une prouesse. En fait, si vous avez l'occasion de voir, on trouve des vidéos sur Internet du film en image de synthèse, du déploiement du télescope pendant son trajet vers le point L2, vers le second point de Lagrange, ça donne des frissons. Enfin, ça fait très très peur. Il y a tellement de moments critiques à passer. Déployer le miroir, mais aussi déployer ces fameux films protecteurs qui font la taille d'un terrain de basket, les étirer et qui sont fins comme un cheveu humain, les étirer, les tendre sans les déchirer, ce qui a été un des problèmes lors de certains tests. Ça, c'est absolument terrifiant pour toute la communauté qui mise beaucoup sur cet instrument. Donc oui, le miroir et toute l'optique associée pour arriver à utiliser ce miroir segmenté et pour envoyer la lumière dans 4 ou 5 instruments différents. C'est une à la fois une usine à gaz et chaque élément est une prouesse technique. À la fois fantastique, mais effrayante quand on pense à tous les endroits où ça pourrait bugger. Une usine à gaz de précision. On peut peut-être dire un mot également du Sun Shield, parce que ce James Webb Space Telescope, il va falloir effectivement le protéger du rayonnement solaire et notamment également de la température, Pierre Guillard. Oui, merci Franck de m'avoir corrigé tout à l'heure. Hein. Je voulais dire l'ombre de ce bouclier thermique. En fait, un des problèmes, entre guillemets, d'observer dans l'infrarouge, c'est qu'on est aussi sensible à l'émission thermique du télescope. Le télescope émet lui-même, puisqu'il a une certaine température, du rayonnement infrarouge. Et si on ne protégeait pas le miroir du rayonnement de l'électronique et du rayonnement du soleil, de la Terre et de la Lune, eh bien on serait complètement ébloui par ça. Les sources astrophysiques qu'on cherche à observer sont bien plus faibles que l'émission du télescope lui-même et que l'émission du rayonnement du soleil, de la Terre et de la Lune. Donc il faut le protéger, et donc c'est pour ça que le télescope a cette position très particulière où le rayonnement solaire est toujours contre ces panneaux solaires. Donc le télescope, le miroir, est toujours dans l'ombre de ces panneaux solaires, et il y a 5 couches d'un matériau très particulier qui sont nécessaires pour bloquer ce rayonnement. Et en fait, il y a une différence de température énorme, je crois que c'est plus de 300 degrés, entre la face qui est éclairée par le soleil et l'ombre du télescope qu'il faut protéger de ce rayonnement. Franck Celsis, à ce sujet justement sur la protection des rayonnements infrarouges et plus généralement ce bouclier qu'il va falloir également déployer dans l'espace. Oui, comme Pierre l'a dit, donc il faut que un des côtés du télescope descende globalement à peu près 50 Kelvin, donc moins de 120 degrés Celsius. Les instruments vont devoir aussi être refroidis encore un petit peu plus, les détecteurs, et notamment, mais ça Pierre en parlera mieux, l'instrument MIRI qui lui a aussi son propre système de refroidissement à l'hélium. Et un des grands progrès de ce télescope, c'est que les précédents télescope important pour l'infrarouge qui était Spitzer, Herschel, avait par contre été refroidi avec une quantité de refroidisseur, si vous voulez, qui était limitée, et quand il avait épuisé cette quantité-là, il ne pouvait plus observer aux grandes longueurs d'onde ou ne pouvait plus observer du tout. Et dans les deux cas, ça fixait la durée de vie de ces télescopes. C'était le refroidisseur qui fixait la durée de vie. Pour donner un exemple sur Spitzer, quand il a épuisé son système de refroidissement, c'est juste là où on en aurait eu besoin pour, moi, ce qui m'intéresse, qui sont les exoplanètes. Et on n'a pas pu fonctionner avec Spitzer en mode refroidi et observer jusqu'aux grandes longueurs d'onde, jusqu'à 30 microns. Tout est fait avec le James Webb de façon absolument intelligente pour que ce soit un refroidissement soit passif, c'est-à-dire en rayonnant. Donc on rayonne le plus possible, on se débarrasse de toute la chaleur résiduelle. Il va refroidir pendant son voyage, pendant plusieurs mois, on va le refroidir. Et on va y rajouter des systèmes extrêmement malins avec des pompes très très sophistiquées pour refroidir les instruments qui sont encore un petit peu plus demandeurs ou disons qui ne supportent encore moins l'agitation thermique. Mais sans consommable. Sans consommable. Et sans usure, a priori, bon, à part les composants électroniques. De l'usure classique. On va parler évidemment des instruments embarqués, notamment de Miri dans quelques instants, et puis on va également se poser la question de savoir quelles vont être les missions et que va pouvoir voir ce James Webb Space Telescope que Hubble et puis les autres télescopes précédents, notamment les télescopes infrarouges que vient d'évoquer Frank Celsis, notamment Spitzer, ne pouvaient pas voir. Ce sera dans quelques minutes. Space Captain. Pas froid aux yeux à 16h36 dans la méthode scientifique de vous mettre un petit peu de Barbara Streisand. Ça fait toujours bien un peu de Barbara Streisand. Space Captain, pour parler du James Webb Space Telescope, c'est le sujet de notre émission du jour en compagnie de Pierre Guillard qui est enseignant-chercheur à Sorbonne Université et à l'Institut d'Astrophysique de Paris qui va nous parler de l'un des instruments embarqués sur ce James Webb Space Telescope et Frank Celsis qui est chercheur CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. On va s'intéresser, Pierre Guillard, justement à l'un des instruments, à celui sur lequel vous travaillez, MIRI, et puis nous avons eu la chance de pouvoir aller jeter un œil à l'endroit où a été conçu cet instrument. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez visité précisément l'espace de test dans lequel a été conçu MIRI. Oui, et je vous invite à suivre Pierre-Olivier Lagage, qui est directeur de recherche au département d'astrophysique au CEA à Saclay, et qui est co-responsable de MIRI. Cet objet MIRI, vous allez comprendre pourquoi il a été baptisé ainsi, il a été pensé il y a de cela plus de 20 ans, et c'est toute son histoire que nous raconte Pierre-Olivier Lagage, qui nous emmène également visiter le lieu où ont été réalisées les premières phases de test de cet instrument, qui sera envoyé à bord du James Webb Space Telescope à 1,5 million de kilomètres dans l'espace. Alors MIRI, c'est Mid Infrared Instrument. Donc il y a quatre instruments sur le JWST qui couvrent la gamme de longueur d'onde infrarouge qui va de l'infrarouge proche, le visible infrarouge proche, jusqu'à une longueur d'onde d'infrarouge disons moyen, 28 microns, on parle de longueur d'onde. Et il y a trois instruments qui sont dans la gamme de longueur d'onde infrarouge proche, jusqu'à 5 microns, et un instrument, MIRI, qui couvre la gamme de l'infrarouge moyen de 5 à 28 microns. Quels seront les objectifs de MIRI? Quelles seront ses fonctions? Alors, donc là, je viens de parler qu'il y avait un aspect complémentarité pour aller voir très loin dans l'univers. Il va aussi participer à ce qu'on appelle toutes les études de formation des étoiles, formation des planètes, et formation des galaxies. C'est vraiment complémentaire avec ce qui est fait à plus courte longueur d'onde. On a besoin de toute la gamme de longueurs d'onde pour vraiment avancer dans ces projets. Un des projets qui me tient vraiment à cœur, c'est regarder les exoplanètes et leur atmosphère. Et là, on a des signatures de molécules qui sont vraiment spécifiques à ce domaine-là. Par exemple, l'ozone a des raies à 9 microns qui est en plein dans le domaine de Miri. Et il y a aussi une complémentarité avec ce qui est fait à plus courte longueur d'onde, puisqu'on ne voit pas les mêmes zones dans l'atmosphère. Est-ce que vous pourriez me décrire un peu cet outil Miri ? Oui, alors en gros, hein, c'est pas très, très grand. C'est d'ailleurs un des aspects de la conception qui doit être pris en compte pour le spatial. C'est-à-dire qu'on doit avoir un espace réduit et aussi ça doit être léger. Donc c'est en gros la taille d'une grosse boîte à chaussures, disons. Et on a trois modes d'observation. Donc l'autre défi, c'était de pouvoir, dans cet espace réduit, avec le minimum de mécanismes, parce qu'on n'aime pas dans l'espace qu'il y ait des mécanismes, avoir trois modes d'observation, de l'imagerie classique avec différents filtres. Donc ça, on a un mécanisme pour changer de filtre, mais on n'en a qu'un seul. On a un mode qu'on appelle coronographie, qui a été fait avec l'Observatoire de Paris. Hein, à quoi servent les coronographes ? Ça sert en gros à éteindre l'étoile pour voir ses alentours, notamment s'il y a des exoplanètes. Et un mode de spectroscopie, faire des spectres à basse résolution. Donc, on avait besoin de ces trois modes. Et une des difficultés, ça a été la conception optique pour avoir un seul détecteur, un seul mécanisme et ces trois modes. Et dans une taille réduite avec une masse réduite. Donc, on a la lumière du télescope qui arrive dans un plan focal. Ensuite, on a un premier miroir qui fait un faisceau parallèle. Donc, on dit que c'est un collimateur. Un miroir plan qui renvoie dans la roue, où il y a les filtres, où il y a les doubles prismes pour faire la spectroscopie. Et ensuite, on a un système de trois miroirs qui font l'image, enfin, qui ce faisceau parallèle est réimagé sur le détecteur. Donc ici, on est dans le bâtiment technique du département d'astrophysique du CEA. Et à l'occasion de l'année mondiale de l'astrophysique, on avait fait une maquette à l'échelle 1 du miroir primaire du JWST. C'est ce qu'on voit ici avec les 18 hexagones. Hein. Il faut bien voir que ce n'est pas un miroir monolithique. Et il s'est plié, il y a trois morceaux, les deux parties d'hexagones sur les côtés se replient dans la coiffe et vont se déplier après le lancement. Donc ça sera des phases assez critiques. Et après avoir travaillé des années sur l'instrument Miri, je pense qu'on va passer quelques nuits voilà, pour être sûr que tout va bien. Donc là, on va rentrer maintenant dans la salle de test. Donc on a derrière, vous pouvez voir la salle blanche. Donc ce qu'on faisait, l'instrument est intégré dans des salles blanches propres, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait de poussière qui arrive sur cet instrument, c'est aussi une contrainte. Donc on l'intégrait dans cette salle blanche, on le mettait dans un cryostat qui permet de reproduire les conditions dans l'espace, notamment de froid, de vide. Et une fois intégré, on le sortait de la salle blanche et on allait dans une salle de test qu'on va maintenant visiter. Donc nous rentrons dans cette salle de test. Premièrement, il y a un simulateur de télescope, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de reproduire le faisceau du télescope qui arrivera dans Miri. Donc voilà un premier simulateur de télescope. Ce faisceau rentre dans un cryostat qui permet de refroidir l'instrument Miri qui est à l'intérieur de ce cryostat lors des tests. Là, pour l'instant, il y a un modèle, un des premiers modèles, puisqu'on fait plusieurs modèles pour être sûr qu'il n'y aura aucune panne une fois dans l'espace. Donc c'est beaucoup plus grand que l'instrument lui-même. Mmh. On parlait tout à l'heure d'une taille d'instrument, une grosse boîte de chaussures. C'est 2 mètres sur plus d'un mètre devant le simulateur d'étoiles. Donc ça prend une bonne partie de la salle. Mais c'est indispensable d'avoir ce type d'équipement pour vraiment tester ce type d'instrument. Donc on peut se... En voyant ça, pour un tout petit bout d'instrument, on peut s'imaginer... La dimension. Voilà, la dimension pour tester l'ensemble. Voilà, dans les coulisses de cet instrument MIRI qui est embarqué sur le futur James Webb Space Telescope. Un mot, Pierre Guillard, à ce que vous venez d'entendre ? Une réaction ? Alors ça m'évoque des vieux souvenirs. Je suis assez ému en entendant Pierre-Olivier dire ça, parce que j'ai commencé à travailler sur ces tests, sur ce banc de tests de l'instrument pendant ma thèse en 2007, donc ça fait déjà 13 ans. Pourtant, je suis pas si vieux. Oui, c'est un long travail de test en fait. Et comme l'a dit Pierre-Olivier, il est extrêmement important de vérifier, de double vérifier, de triple vérifier cet instrument avant de l'envoyer dans l'espace, pour être sûr qu'il ait bien les caractéristiques techniques et la capacité à faire ce que l'on veut dans l'espace. Donc ça implique beaucoup de corps de métier, des cryogénistes, des électroniciens, des spécialistes des détecteurs, des opticiens, etc., qui travaillent ensemble. Et un de ces objectifs de ce banc de test développé au Commissariat à l'énergie atomique, à Saclay, c'était de vérifier notamment la qualité de l'image de cet instrument MIRI, de la partie imageur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'instrument MIRI, c'est en fait une collaboration entre le Royaume-Uni, qui fabrique la partie spectroscopie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, et la partie imagerie développée par la France sous la responsabilité du CNES et développée par le CEA. Mmh. Franck Salsis, une réaction à ce que vous venez d'entendre ? Ben ça, c'est la partie qui est très en amont de ce que je fais, puisque nous, on est plus sur la modélisation, l'analyse des observations, mais on ne peut le faire que parce qu'il y a tout ce travail technologique, donc... et de expérimental, moi qui m'impressionne beaucoup. J'adore aller dans ces endroits-là pour voir. On a beau être scientifique, on a tous ces secteurs de spécialité, et moi je suis toujours fasciné, impressionné par qu'on sache faire ça. Ce n'est évidemment pas le seul instrument embarqué. Peut-être, Pierre Guillard, vous pouvez nous dire un mot des autres instruments, NIRCam, NIRIS ou NIRSPEC. Oui, alors comme l'a dit Pierre-Olivier, hein, l'instrument MIRI, c'est l'instrument qui se focalise sur les grandes longueurs d'onde, ce qu'on appelle l'infrarouge moyen ou thermique, donc au-delà de 6 microns, de 6 à 28 microns. Après, à plus courte longueur d'onde, dans ce qu'on appelle l'infrarouge proche, hein, de 1 à 5 microns, il y a trois autres instruments, une caméra, qui fait des images, qui est aussi muni de coronographes pour observer les exoplanètes comme l'imageur MIRI. Cette caméra, elle s'appelle NIRCam. Elle est développée par l'Université d'Arizona au Texas. Il y a un spectrographe qui travaille donc dans le proche infrarouge qui s'appelle NIRSPEC, qui est développé entièrement par l'ESA aux Pays-Bas. Et puis en collaboration avec des agences spatiales nationales et puis un consortium en fait de laboratoires européens qui participent aux tests, à l'analyse des données. Et puis l'agence spatiale canadienne fournit l'instrument NIRIS, qui est un spectro-imageur, donc qui permet de faire des spectres et des images, en fait, ce qu'on appelle des cubes spectraux, c'est qu'on a deux dimensions spatiales et une dimension en longueur d'onde. On appelle ça des cubes en jargon astronomique, à basse résolution. Dans la gamme de 1 à 5 microns. Ça, c'est développé par l'Agence spatiale canadienne. Alors, on va parler un peu des missions du James Webb. Franck, la première mission, celle qui est évoquée, c'était évidemment d'aller remonter encore plus loin que le champ profond, le champ ultra profond de Hubble. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que sont ces champs profonds de l'espace et qu'est-ce que le James Webb va pouvoir nous apporter comme information supplémentaire sur ces toutes premières galaxies ? Alors c'est peut-être plutôt une question pour Pierre. Pierre, alors, comme vous voulez. Oui. Pierre, c'est pour vous. Alors en fait, Hubble, dans ses champs profonds, hein, ses champs profonds, il faut rappeler ce que c'est, tout à fait. Des... ce sont des images extrêmement profondes. Profondes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pose des centaines, voire des milliers d'heures d'observation que l'on combine pour observer des objets extrêmement faibles. Donc ça veut dire qu'on, entre guillemets, on ouvre l'appareil photo pendant plusieurs milliers d'heures et on combine ces données pour observer les objets les plus faibles et les plus lointains. Alors Hubble permet d'observer des galaxies jusqu'à un décalage vers le rouge d'à peu près 8, hein, ça veut dire des galaxies qui sont très très jeunes dans l'histoire de l'univers. On remonte jusqu'à 10 milliards d'années, 11 milliards d'années à peu près, pour un univers qui a 13,7 milliards d'années, donc on est vraiment au tout début de l'histoire de la formation des galaxies. Et en fait, on se rend compte avec ces champs profonds que les galaxies sont déjà là. Et le but de un des buts de James Webb, c'est ce qu'on appelle first light en anglais, c'est de voir la première lumière. Cette première lumière, c'est cette première génération de galaxies qui, on pense, d'après les modèles physiques d'univers, intervient entre 300 et 400 millions d'années après le Big Bang. Donc ça va permettre d'observer plus loin parce que la surface collectrice est beaucoup plus grande que Hubble, mais surtout parce qu'on est dans l'infrarouge, car à cause du décalage vers le rouge, eh bien la lumière ultraviolette ou optique des étoiles se décale avec la distance dans l'infrarouge. Donc Hubble rate ses galaxies tout simplement parce que Hubble, contrairement à James Webb, opère surtout dans la gamme visible ultraviolet. Du spectre de la lumière. Et je crois, Pierre Guillard, qu'on attend aussi du James Webb qu'il tranche cette sorte d'œuf ou la poule cosmologique, à savoir qu'est-ce qui s'allume en premier, sont-ce les étoiles, sont-ce les galaxies? Est-ce qu'on peut le résumer comme ça? Oui, c'est à peu près ça. En fait, un des objectifs scientifiques de James Webb, c'est de savoir quelles sont les sources lumineuses qui ont rayonisé l'univers. En fait, à une période très lointaine de l'univers, l'univers est relativement neutre. Et puis, les premières étoiles ou les premières galaxies s'allument, entre guillemets. Et ça fournit du rayonnement très chaud qui excite le gaz, qui le ionise à des températures très fortes, et on cherche à comprendre quelles sont les sources responsables de cette ionisation, parce que ça nous fournit un scénario. En fait, ça nous permet de revenir en arrière, de rembobiner le film, de savoir quelles sont les structures qui sont responsables de cette ionisation de l'univers à un décalage vers le rouge d'à peu près 10. Ça, c'est une question, un des objectifs scientifiques majeurs de James Webb. Et puis, dans le modèle de formation de galaxies, on ne sait pas si on pense que les premières structures sont des structures relativement petites, et ensuite les galaxies s'assemblent par effondrement gravitationnel de structures, mais il reste à le confirmer observationnellement, et c'est ce que va permettre, on l'espère, James Webb. Franck, du coup, pour votre chapelle à vous, vous êtes plutôt côté exoplanète. C'est aussi l'une des missions importantes du James Webb Space Telescope, de pouvoir observer beaucoup plus finement, notamment l'atmosphère des exoplanètes. Oui, alors ça l'est devenu, parce qu'au départ du projet, la communauté exoplanète, elle est toute petite. On est vraiment au début de la discipline. Hein, dans ce domaine, on se connaît tous à cette époque par son prénom, et on remplirait pas un restaurant à cette époque-là. Donc on n'a pas du tout de poids là-dessus, et puis on n'a pas beaucoup d'arguments, on ne connaît pas encore l'abondance des planètes, on ne sait pas quelle fraction des étoiles ont des planètes. Ce qui est arrivé en premier, début des années 2000, c'est l'idée d'imager les systèmes, donc par coronographie, donc qui sont des instruments donc qui peut se faire avec MIRI, avec NIRCam. Donc l'idée, c'est d'éteindre au maximum l'étoile centrale pour essayer de voir des objets plus faibles aux alentours. Alors les alentours, c'est le grand paradoxe, c'est qu'on veut des objets à la fois brillants mais lointains. Et donc ça nous amène à considérer des systèmes jeunes où les planètes viennent de se former, sont encore chaudes, et grosso modo on essaie de détecter des bébés Jupiter assez loin de leur étoile. Alors là, ce que va pouvoir faire le James Webb, c'est apporter plus d'informations sur des systèmes connus. Alors le souci, c'est qu'il n'y aura pas à la fois des méthodes de coronographie et de spectroscopie, c'est-à-dire qu'on va avoir une information physique assez limité sur les planètes observées par imagerie. Ce qui a été totalement nouveau et qui est venu un petit peu se greffer sur le projet du James Webb, c'est l'idée de faire l'étude d'exoplanètes, d'atmosphères d'exoplanètes, qui sont ce qu'on appelle en transit, c'est-à-dire qui sont sur donc une petite fraction des exoplanètes, sont sur des orbites qui, vues depuis la Terre, intersectent le disque de leur étoile, c'est-à-dire qu'elles passent devant et derrière leur étoile. Et quand on est dans cette géométrie-là, on a déjà pu faire, avec Spitzer, avec Hubble et depuis le Sol, les prémices d'une caractérisation de l'atmosphère, détecter de la vapeur d'eau, du méthane, du monoxyde de carbone, avoir des informations sur la température, en tout cas pour plutôt des planètes géantes, des planètes essentiellement gazeuses, encore qu'on commence à aller vers des planètes plus tempérées. Et donc le James Webb offre une opportunité soit de faire ça mieux pour les objets pour lesquels on a déjà pu faire ça, donc les exoplanètes essentiellement chaudes et gazeuses, et pourquoi pas, mais ce sera très difficile, d'essayer de faire ça pour des planètes de type terrestre, tempérées comme la Terre. Alors, pour l'instant, grosso modo, il n'y a qu'un système pour lequel on peut faire ça, c'est le système TRAPPIST-1, qui a 7 planètes de type terrestre qui transitent, et son étoile étant toute petite, ça nous permet d'envisager ce type d'observation avec le James Webb. Et ce sont déjà des observations qui sont déjà prévues, hein, elles sont ce qu'on appelle dans le temps garanti, donc on sait déjà que le James Webb va pointer vers ce système de TRAPPIST-1 pour essayer d'extraire une information, de détecter une atmosphère, s'il y en a, on ne sait pas s'il y en a. Donc en début d'émission, vous avez parlé de biosignature, Pierre-Olivier Lagage a parlé d'ozone. Alors, pourquoi pas détecter de l'ozone ou pourquoi pas détecter des atmosphères riches en oxygène? Après, je parlerai pas de biosignature dans le contexte du James Webb parce qu'on aura des observations très très limitées et dans le meilleur des cas qui ne concerneront que quelques molécules. Donc on n'aura pas une vision suffisamment détaillée d'une atmosphère s'il y en a sur les cibles accessibles pour déduire quoi que ce soit de la présence de vie. Par contre, on pourrait tout à fait déduire des choses sur l'habitabilité de ces planètes. Est-ce qu'elles ont une atmosphère? Est-ce qu'elles ont de l'eau? Ça, c'est envisageable. Mais c'est pas facile. C'est vraiment à la limite de ce que peut faire le James Webb. Donc, voilà. Un mot pour conclure rapidement, Pierre Guillard. Donc, les galaxies premières, très anciennes, les premières lumières de l'univers, beaucoup d'observations aussi sur les exoplanètes, comme vient de le dire Franck Celsis. Quels sont, en quelques mots, les autres domaines dans lesquels va aller regarder James Webb et qu'est-ce qu'on peut en attendre par ailleurs, que ce soit sur le temps garanti ou sur ce qu'on appelle le temps ouvert, c'est-à-dire les projets qui vont être déposés pour obtenir du temps d'observation grâce au James Webb. En quelques mots, hein, il nous reste une minute. Oui, alors une minute pour les deux autres objectifs. On a parlé un peu de formation de galaxies, on a parlé d'exoplanètes. Je crois que les deux autres grands thèmes sont l'étude de la naissance des étoiles, en fait, hein, l'étude de ce qu'on appelle le milieu interstellaire, des systèmes protoplanétaires, c'est-à-dire quelles sont les conditions initiales de la naissance d'une étoile, comment se forme une étoile. On sait qu'aujourd'hui, les étoiles se forment à partir d'effondrements de gaz, que ce gaz, lorsqu'il s'effondre, forme un disque. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que ce disque, il est rempli de poussière, et la lumière de l'étoile qui est en train de naître est absorbée par cette poussière, et cette poussière le réémet dans l'infrarouge. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller dans l'infrarouge, et que avec James Webb, on va avoir une résolution, une finesse d'image pour imager ces disques protoplanétaires et regarder quelles sont les conditions physiques dans ces disques. Et puis l'autre objectif, c'est le milieu interstellaire, c'est de manière générale de regarder quelles sont les conditions physiques dans ce milieu. Et ce James Webb va rendre possible ce qu'on faisait dans notre propre galaxie, parce qu'on va gagner un facteur 100 en sensibilité, en fait, on va voir des choses 100 fois plus faibles qu'on ne pouvait voir avec Spitzer, et bien on va pouvoir le faire dans les galaxies externes. Et ça, c'est très excitant, parce qu'on a tout à découvrir. Est-ce que les conditions de formation des étoiles sont les mêmes dans les autres galaxies lointaines que dans les galaxies proches comme la nôtre? Eh bien, si tout se passe bien, on pourra commencer à découvrir ça, pas immédiatement, hein, parce que lancement le 31 octobre 2021, il faudra le temps que le James Webb atteigne son point d'orbite l'orbite et puis de mettre en route tous ces instruments en espérant que tout ça se passe bien. Mais évidemment, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Pierre Guillard, merci Franck Celsis d'être venu nous parler de ce James Webb Space Telescope. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, François Malordi, Natacha Triou, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Véronique Lamandour à la réalisation et Jean-Frédéric à la technique. Demain, nous parlerons d'un autre équipement du futur qui lui aussi a accumulé retard et démultiplication budgétaire. Il sera question d'ITER, ce consortium de recherche internationale sur la fusion nucléaire, puisque l'assemblage du réacteur vient de commencer. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.